On a parfois prétendu que les halogènes n'aimaient pas la Roumanie. C'est faux. D'ailleurs, ils font chanter leur héros national, Dracula lui-même.